Chapitre 2e. Puisque vous avez l'envie de me connaître, dit le seigneur Cornelio, nous remonterons, s'il vous plaît, non au déluge, mais à l'invasion des Normands en Sicile. Vous savez que les expéditions de cette race turbulente se distinguaient par un certain caractère de violence et de férocité. Un arbre généalogique dessiné de la main de mon grand-père prouve que je descends par les femmes d'un vaillant chevalier, compagnon d'armes de Robert Guiscard. Malgré les mélanges du sang sicilien et de l'espagnol avec celui de mon ancêtre, je suis resté normand, c'est-à-dire remuant, inquiet, colère et un peu brigand. Sans fanfaronnade, je puis me vanter d'avoir été le plus mauvais écolier du collège de Palerme. Les verges et la prison, au lieu de me dompter, ne faisaient que mériter davantage. Je vivais en pirate avec mes maîtres et mes camarades, à l'exception d'un seul élève pour qui j'avais une amitié fraternelle. Pipino Castri était un enfant d'un caractère doux, flexible et docile, toujours le plus jeune dans ses classes et le meilleur sujet. La supériorité de son intelligence excitait la jalousie des autres et lui attirait tant de coups et de mauvais traitements que j'eus pitié de lui. Je le pris généreusement sous ma protection, et en me constituant le défenseur du faible opprimé, je rachetai du moins quelques-uns de mes actes nombreux de tyrannie et de rapine. Après le temps maudit du collège, on m'envoyait étudier à l'université de Catane, où je retrouvais Pipino Castri. Pour rester conséquent vis-à-vis de moi-même, je me brouillais avec mes professeurs. Je fus insolent aux examens et je manquais tous mes degrés, tandis que mon ami achevait ses brillantes études. Nous revînmes ensemble à Palerme, lui avocat et moi sans profession. J'entrai dans la jeunesse avec la chaleur de sang d'un bon Sicilien et les instincts d'un corsaire normand. Je prenais en pitié mon sage ami, qui cherchait l'emploi de ses talents dans notre pays éteint et vivait terre à terre comme vont les barques de Cefalù. À cette époque, une petite zingara, qui disait la bonne aventure aux passants sur la place Marina, regarda le creux de ma main et me prédit que je mourrais tout habillé. J'ai pensé bien des fois à cette prédiction, et ce n'est pas ma faute si elle ne s'est point accomplie. Elle n'a plus de vraisemblance aujourd'hui que je suis philosophe et retiré du monde. Mon père, que j'avais perdu dans mon bas âge, m'avait laissé plus de fortune qu'il ne m'en fallait pour commettre beaucoup de sottises, et ma mère, qui s'était remariée, s'occupait fort peu de moi. Pour satisfaire mon humeur vagabonde, je conçus le désir de faire une excursion à Malte et sur les côtes d'Afrique. Parmi mes compagnons de plaisir, je choisis trois garnements de mon espèce, sur lesquels mon caractère et ma force physique me donnaient une sorte d'autorité. Ils s'embarquèrent avec moi sur un bateau de commerce que je louais pour un mois. Nous avions des vivres, des armes, de l'argent dans nos poches et la tête montée. Après avoir mené joyeuse vie à Malte et visité Tripoli et Tunis, nous abordâmes un matin dans l'île de Zerbi sans savoir où nous étions. En cherchant à qui parler, nous arrivâmes près d'une fontaine où des jeunes filles puisaient de l'eau. À notre approche, toute la bande s'enfuit effarouchée. Nous avions pris nos fusils de chasse, pensant trouver des perdrix ou des lièvres. Mais à la vue d'un gibier plus aimable, je proposai à mes amis une partie de chasse à court. Les jeunes filles montaient un sentier rapide, au sommet duquel était leur village. Une d'elles, moins leste que les autres, se vit sur le point de tomber dans les mains des corsaires et poussa des cris aigus. Pendant ce temps-là, ses compagnes répandaient l'alarme dans le village. 15 ou 20 femmes armées de fourches et de bâtons s'avancèrent en vociférant des menaces. Un coup de fusil que je tirai à 20 pieds au-dessus de leur tête les mit en déroute complète. Nous les suivîmes en bon ordre jusqu'à une petite place, au milieu de laquelle s'élevait un figuier. J'y établis mon quartier général et le village se trouva pris d'assaut. Un vieillard qui savait quelques mots d'italien nous fut envoyé en parlementaire. Je commençai par déclarer que nos intentions étaient pacifiques, mais au lieu d'éclaircir le malentendu, je parlais avec l'arrogance d'un vainqueur, et je demandais qu'une députation vînt nous faire des excuses. Le parlementaire s'en alla en grondant et ne reparut plus. Quelques Arabes, revenus des champs, avaient pris leurs carabines. Un coup de feu parti du haut d'un toit fit voler en l'air mon chapeau. Pour nous mettre en sûreté, il fallut forcer l'entrée d'une maison. L'ennemi nous y assiégea, et après une demi-heure de combat où la mousqueterie résonna sans interruption, le siège fut levé. Nous avions blessé légèrement deux Arabes avec notre plan de chasse. Notre dessein n'étant pas de conquérir l'île de Zerbi, je proposai à mes amis de battre en retraite. La troupe des pirates traversa le village et gagna le bord de la mer, en chantant cette marche militaire du divin maestro Verdi. Ici, le narrateur entonna le chœur des Lombardi d'une voix de stentor. Par malheur, reprit Don Cornelio, lorsque notre navire eut quitté le rivage, on tira sur nous du haut de la colline, et une balle m'atteignit à l'épaule. Je revins à Palerme, fort souffrant de ma blessure et un peu inquiet des suites de mon équipée. Pipino Castri s'établit près de mon lit et me prodigua les soins les plus tendres et les remontrances les plus éloquentes. Il me rappela les prédictions de la Zingara et me fit promettre d'être plus sage à l'avenir, ce qu'on obtient facilement d'un homme affaibli par les saignées et la tisane. Cependant, les habitants de Zerbi se tinrent quoi, pensant qu'ils n'obtiendraient pas justice de chiens de chrétiens, et je ne fus point poursuivi. Cette aventure ajouta un nouveau lustre à ma réputation. La barbe commençait à me pousser au menton, et comme elle était d'un blond de feu, on m'appelait Ariadan Barberousse. Depuis que je l'ai rasé, on a changé ce sobriquet pour me donner celui de Dragut. Je vous épargne le récit de mes autres folies de jeunesse. La liste, sans être aussi longue que celle des Freudens de Jupiter, atteindrait encore des proportions imposantes. Ma fortune, dont j'étais mauvais ménager, avait besoin d'un temps de repos. Mon intendant me déclara un matin que si je continuais à puiser au coffre sans compter, je finirais par aller m'asseoir sur le Balata. Afin d'apporter au gouvernement de mes finances une réforme radicale, je vendis chevaux et voitures, je congédiai le laquais et maîtresse, et je résolus de me livrer à quelques goûts dominants et peu dispendieux. Je partis en équipage de chasseurs pour les montagnes de l'intérieur. Je parcourus le pays à pied, vivant de mon gibier, dormant chez le paysan, souvent mal couché mais bercé par la fatigue. À mon retour à Palerme, je trouvai l'occasion d'acheter un yacht. À peu de frais, je devins marin et pêcheur consommé. Le thon, le spada, l'espadon et le lacerto n'ont pas d'ennemis plus dangereux que moi dans les madragues de Solanto. Absorbé par ces occupations, je menais une vie active et saine lorsqu'une fanale rencontre bouleversa mon existence. C'était au printemps de l'année 1842. Un négociant de Trapani, enrichi par le commerce des soufres, vendit ses mines à une compagnie anglaise pour venir s'établir à Palerme. Il avait une femme, encore belle, et une fille unique, âgée de 18 ans, ou plutôt un ange, une grâce, toute pétrie de pattes d'amour. Ce n'est pas moi qui pourrai jamais tracer le portrait de l'incomparable Aurélia, et pourtant je porte son image gravée dans mon cœur en trait de feu. Pour la dépeindre, il faudrait aller chercher Pétrarque dans son tombeau. Imaginez une nymphe parmi les femmes, une divinité parmi les nymphes. « Arrêtez, Seigneur Cornelio !» m'écriai-je en étendant le bras. « Nous sommes perdus si vous prenez le ton des anciens trouvères siciliens, dont les chants langoureux ont propagé cette maladie de l'esprit qui a fait tant de ravages dans les belles lettres italiennes. »« Quelle maladie ?» demanda Cornelio. « L'enflure, la fausse chaleur, le pathos, puisqu'il faut l'appeler par son nom. » Une cascatelle de mots creux et sonneurs ne peut donner une idée ni de la belle Aurélia, ni d'aucune autre femme. Parlez tant que vous voudrez, mais pour Dieu, dites quelque chose. Votre erreur est grande, répondit Cornelio, ou tous mes malheurs ne seraient qu'une amère dérision. Longtemps, dans ma barbare ignorance, j'ai traité de bagatelles les vagues chansons de nos anciens poètes et le jargon qu'elles ont engendré. Mais ma propre expérience m'a appris ce que vaut l'art de bien dire. C'est précisément là le sujet de mon histoire et la cause de tous mes maux. Comme il vous plaira, je vous supplie seulement de ne point monter le ton si haut. Restez normand, restez corsaire, seigneur Dragut. Faites cela pour m'obliger. J'y consens, puisque vous le voulez. Figurez-vous donc des cheveux plus noirs que l'aile du corbeau, des yeux de niobé voilés sous de longs cils, un nez fin et droit, une bouche garnie de perles, un air doux et réfléchi, un visage plutôt allongé que rond, et si mignon que tous les autres visages semblaient des masques en comparaison. « Ce signalement me suffit, dis-je, poursuivez à présent votre récit. » Ce fut un dimanche, au dôme, reprit Cornelio, que je rencontrai cette fille sans pareille, pour laquelle je m'enflammais d'un amour soudain. Don Massimo, le père de ma belle, était un bon homme, quoiqu'un peu avare, et sa femme, qui avait du goût pour la dépense, l'entraînait plus loin que ne le menait sa ladrerie naturelle. Cette famille, nouvellement débarquée de la province, ne demandait qu'à se faire des amis à Palerme. L'accès de la maison me fut une conquête facile. Je promenais les dames dans mon yacht, et je m'insinuais dans les bonnes grâces du père en perdant contre lui quelques pièces de monnaie blanche à divers jeux de cartes. J'avais été bien avisé en me présentant des premiers, car aussitôt qu'on vit la jeune fille au concert du jardin public, sa beauté attira les regards et les concurrents arrivèrent en grand nombre. Un soir, dans les allées de la Flora, je saisis l'occasion de parler à Aurélia et je hasardai quelques mots d'amour. La jeune fille m'écoutait, la tête penchée sur son épaule, en jouant avec une fleur de magnolia. Tout à coup, elle comprit où tendait mon discours, et relevant ses grands yeux, elle me regarda d'un petit air curieux. « Mais, dit-elle, vous m'aimez donc, Seigneur Cornelio ?» Encouragé par cette question, je déclarai mes sentiments sans précaution ni artifice. « Oh, tant mieux !» s'écria la belle enfant avec une joie naïve. « Ce doit être aussi amusant d'être aimé d'un homme tel que vous. J'espère au moins que cela est sérieux, et que vous ne m'aimerez pas seulement en parole. » « Mettez-moi à l'épreuve, » répondis-je. « Faut-il conquérir tout de bon l'île de Zerbie, aller en Chine, descendre dans les flammes d'un volcan, ordonner, disposer de votre esclave, et ne craignez point que je recule devant les obstacles ou les dangers ?» Ce langage de corsaire parut l'intéresser. « Non, » dit-elle en souriant, « vous ne descendrez point dans les flammes d'un volcan, à moins que je n'y jette mon mouchoir. Nous verrons bien. Si vous saurez deviner et prévenir mes désirs. Ne vous dissimulez pas que d'autres m'ont exprimé leur amour en termes plus choisis que vous ne l'avez fait. Mais je crois que les soins attentifs me toucheront davantage, et je vous en tiendrai compte. Parmi les témoignages d'une passion véritable, il en est un seulement que je redoute et qui me fait horreur, la jalousie. On en cite des exemples terribles. Si vous voulez m'inspirer d'autres sentiments que l'épouvante, ne soyez point jaloux. « Seigneur Cornelio, à cette condition, je pourrai vous aimer un jour. »« J'y appliquerai mes efforts, » répondis-je. « Mais si votre intention n'est pas de faire de moi un patito, il faut m'accorder une bonne place dans votre cœur, afin que le mien demeure fermé à la jalousie. Le préservatif de ce vilain mal est la confiance. Promettez-moi d'être franche et loyale. »« C'est convenu, » dit Aurélia d'un ton sérieux. « Point de mensonge entre nous. » Quant à la préférence que vous souhaitez, en voici pour commencer un petit signe. Si quelqu'un me demandait cette fleur, je la refuserais. Recevez-la comme un gage d'amitié, mais ne la montrez point, car on me l'a vue à la main. Je pressai la fleur de magnolia sur mes lèvres, et je la serrai précieusement dans ma poche. « Ça, reprit la jeune fille en badinant, qu'allez-vous entreprendre à mon service, seigneur chevalier ?« Tout ce qu'il vous plaira, répondis-je. Mon ancêtre le Normand et son compagnon Robert Guiscard ont malheureusement chassé de ce pays le dernier des Sarrasins, sans quoi je vous proposerai de le provoquer en combat singulier. » Don Massimo et sa femme interrompirent notre entretien. Mais j'en avais entendu assez pour rentrer chez moi, brûlant de la première fièvre d'amour et d'espérance. Dès le lendemain, Aurélia exprima devant moi le désir de manger des figues d'Inde. Ce fruit, si abondant à la fin de l'été, ne devait arriver que dans un mois sur les marchés de Palerme. Je partis pour Noto, où le cactus est plus précoce que dans cette partie de l'île. Une douzaine de figues d'Inde que je rapportais en triomphe me valut des sourires que je n'aurais pas cédés pour un trésor. Je trouvai beaucoup d'autres occasions de rendre quelques services à Aurélia, mais lorsque je la pressai de m'autoriser à demander sa main à ses parents, elle me répondait avec effroi « Pas encore ». Un soir, au milieu d'un cercle de jeunes élégants qui papillonnaient autour d'elle, Aurélia prenait un plaisir extrême à écouter la description des bals du lundi à l'Académie de Naples. Le dandy qui absorbait l'attention de ma maîtresse avait remarqué à l'un de ces bals une parure de femme composée de ces plumes bleues que le jais porte à la racine de l'aile. Je compris que la fantaisie d'avoir une parure semblable se logeait dans l'esprit d'Aurélia. Sous peine de perdre le fruit de mes services passés, il fallait contenter cet enfant capricieux. Je parcourus les montagnes et même la partie de l'Etna qu'on appelle Nemorosa, et je revins au bout d'un mois avec une provision de plumes de jais. Je m'attendais cette fois à être accueilli comme si j'eusse ravi aux infidèles un des exemplaires de la Sainte Tunique, mais hélas, qui conduit des ânes ou qui se fie aux femmes ne va point en paradis. J'obtins à peine un remerciement et mon présent fut jeté dans un coin où il est encore. Tandis que je battais les bois pour détruire de pauvres oiseaux, quelques nouveaux personnages s'étaient introduits dans la maison de Don Massimo. J'y retrouvais, entre autres, mon compagnon d'études, Pipino Castri. Quoique son visage de narcisse attirât l'attention de toutes les femmes, l'idée ne me vint pas d'abord que mon ami le plus cher pût devenir un rival, et pour éviter ce danger, je me promis de faire à Pipino la confidence de mes amours. Tout le monde à Palerme s'occupait alors d'une fête qui devait avoir lieu à Piana dei Greci. Il s'agissait d'une cérémonie religieuse dans le rite grec, suivie de divertissements et de danses. La population de Piana, qui se compose d'Albanais, devait se parer de ses costumes nationaux. Don Massimo se fit longtemps prier pour mener sa fille à la fête et ne se décida que la veille au soir. Toutes les personnes présentes voulurent être de la partie. Nous étions trop nombreux pour aller dans une seule voiture, et lorsque je proposais de louer une calèche de place, Don Massimo s'y opposa en disant qu'on attellerait la bastarda. Dans les maisons riches de Palerme, on a deux carrosses, l'un d'apparat pour la promenade et les visites, l'autre vieux et fané dont on ne se sert que la nuit, attelé de mauvais chevaux que l'on ne craint pas de faire attendre aux portes des palais ou des théâtres. La plupart de ces bastardes sont d'anciennes berlines de forme un peu gothique. Celle du seigneur Massimo, avec ses velours râpés, sa large caisse et ses dorures noircies, avait bercé jadis quelques cardinals ou gouverneurs espagnols. En ma qualité de cocher mérite, je fus chargé de conduire ce véhicule respectable. Les grands-parents montèrent dans la calèche, et la jeunesse éveillée s'entassa dans la bastarda. Pendant tout le voyage, j'entendis au-dessous de moi des rires et des cris. On attaquait les provisions de bouche. Quand on eut mangé, on chanta, et je reconnus la voix légère d'Aurélia. Mon ami Pipino récita ensuite une longue kyrielle de vers que deux petites mains applaudirent. En arrivant à Piana, je remarquai dans les yeux de la jeune fille je ne sais quoi d'exalté qui me donna de l'ombrage. Pour la première fois, le serpent de la jalousie me mordit le cœur. Je donnai au diable tous les comparses qui m'empêchaient d'aborder la seule personne à laquelle j'eusse un mot à dire lorsqu'en allant à l'église grecque, je vis Aurélia ralentir le pas et s'écarter de la compagnie. « Il faut que je vous parle, » me dit-elle avec empressement. « Vous attendez de moi une explication. Je veux vous la donner. » Chaque minute de retard aggrave la situation. « Armez-vous de courage, mon bon Cornelio. » « Rappelez-vous que je n'ai pas pris avec vous d'engagement sérieux. Après toutes les preuves d'amour que j'ai reçues de vous, cela est cruel, je le confesse. Mais nous n'y pouvons rien. D'aujourd'hui seulement, je vois clair dans mon cœur. Je n'aurai jamais pour vous d'autre sentiment que l'amitié. « Qu'est-il donc arrivé ? » demandai-je en tremblant. « Le voici. J'avais à Trapani plusieurs adorateurs qui ne tarissaient pas lorsqu'ils vantaient ma beauté. Ils m'avaient fatigué de leurs adulations, et je partis pour Palerme sans autre regret que celui de quitter la maison où je suis né. Dans cette disposition de cœur et d'esprit, j'entendis parler de votre folle expédition à Zerbie. Votre caractère aventureux me plut, et je me persuadais qu'un amour exprimé par des actes m'amuserait bien plus que tous les discours du monde. Cela prouve du moins que jamais je n'eus l'idée de faire de vous un patito. Mais malgré ma bonne volonté, mon cœur demeura insensible, et je connus enfin la puissance du langage, car il y a discours et discours, mon bon Cornelio. Un jour, pendant votre voyage dans l'Etna, au moment où j'y pensais le moins, on m'apporte un papier cacheté, je le déplie, et qu'est-ce que j'y trouve ? Une pièce de vers de 32 strophes, entendez-vous cela, 32 strophes, tout à ma louange, et si jolie que je ne saurais à laquelle donner la préférence. Probablement, on a beaucoup adressé de vers aux femmes. Eh bien, je l'affirme sans partialité, jamais, depuis qu'il existe des femmes, on n'a rien fait de si beau pour elles. D'abord, l'auteur me compare au soleil, qui répand la chaleur et l'amour dans tout l'univers. Avant qu'il m'eût rencontré, dit-il, ses jours étaient des nuits. Je l'ai rendu à la lumière. Et puis mes yeux sont deux étoiles qui lancent des feux mourants, et ces feux mourants font mourir celui qui les regarde. Et que pensez-vous de cette nouvelle manière de parler? Quand donc a-t-on tenu pareil langage à une femme? 100 millions de fois, répondis-je en colère. Le dépit vous égare, reprit Aurélia. Je le conçois, et je vous en excuse. D'où vient qu'en lisant ces 32 strophes, j'éprouvais comme un vertige de plaisir, si bien qu'à la dernière, les idées tournoyaient dans ma pauvre tête, et que je fermais les yeux comme si une épée flamboyante eût passé devant mon visage. Ce fut bien autre chose quand je les entendis réciter à l'auteur lui-même. Et ne croyez pas que le poète m'appelle Aurélia, quoique ce soit mon nom. Il me donne celui de Chloridi, pensant que je saurais percer ce voile mystérieux. Et il ne s'est pas trompé. A-t-on jamais appelé une femme Chloridi quand son nom était Aurélia? On l'a fait si souvent, dis-je, qu'en France ces fadets sont connus sous le nom de bouquet à Chloris. Oh, dans ce cas, poursuivit Aurélia, il eût été impardonnable à moi de ne point percer le voile. Que la ruse est ingénieuse, et qu'il a d'esprit le gentil rimeur. De bonne foi, je vous le demande, à moins d'être folle et aveugle, pourrais-je ne pas l'aimer? Il résulte de tout cela, mon bon Cornelio, que vous ferez bien de ne plus songer à moi. La poésie que j'avais offensée a repris ses droits. Vous en parlez à votre aise, m'écriai-je, fille ingrate et frivole. Croyez-vous que ce soit une chose facile que de vous oublier? Oui, cela est facile à un cœur généreux et dévoué comme le vôtre. D'ailleurs, votre sacrifice fera le bonheur d'un aimable garçon dont je vous ai entendu louer le mérite et les qualités. Je l'écraserai, dis-je en frappant du pied, je l'écraserai comme une vipère, ce petit traître de Pipino. Deux jets de larmes sortirent tout à coup des yeux d'Aurélia. Seigneur Dieu, s'écria-t-elle, voilà ce que je craignais, la jalousie, la vengeance. Écraser son meilleur ami, le cœur de bronze. Et moi aussi, sans doute, il voudra me tuer. Ah, cher Cornelio, si vous avez résolu de nous assassiner tous deux, avertissez-moi quelques jours d'avance, Sainte Vierge. Faut-il déjà mourir pour une faute si légère? Aurélia pleurait à étouffer. Les sanglots lui ôtaient la parole, et je voyais une attaque de nerfs se préparer. Je lui pris les mains en lui disant « Calmez-vous, je ne tuerai personne. » Les larmes s'arrêtèrent subitement. « Vous me faites grâce de la vie, » dit-elle, « et aussi à Pipino, vous le jurez ?»« Je vous le jure. »« Oh, bien alors je suis plus tranquille. »« Mais je n'entends pas me sacrifier pour un caprice de jeune homme. J'interrogerai Pipino, et malheur à lui, s'il ne vous aime pas. » Avant d'entrer dans l'église, je fis signe à Pipino de me suivre, et je l'emmenai sur le parvis. Mon agitation et le son altéré de ma voix l'intimidèrent. Il ne put supporter mon regard. Cependant, aussitôt que je lui appris en quels termes j'étais avec Aurélia, il poussa un grand cri. « Ah, malheureux, qu'ai-je fait ? » dit-il. « Et toi, Cornelio, pourquoi n'avoir pas confié ce secret à ton ami ? Qu'allons-nous devenir à présent ? » Après un moment de silence, il ajouta. « C'est à moi de souffrir. Je quitterai la Sicile. J'irai vivre à Naples, ou plutôt j'irai mourir, car il n'est que trop vrai, mon ami, si je perds Aurélia, il faudra que j'en meure. » Cette résignation à laquelle je ne m'attendais point me désarma. « N'en doute pas, dis-je à Pipino, je te laisserai partir, je te laisserai mourir, si j'étais l'amant préféré, mais le triste privilège du dévouement m'appartient. » Mon ami me sauta au cou, me pressa contre sa poitrine, me prodigua les noms les plus tendres, et après m'avoir fait répéter que je renonçais à mes prétentions sur le cœur d'Aurélia, il courut après sa maîtresse. Sans regarder où j'allais, je pris le chemin de Palerme. Il me semblait que j'aurais assez de courage pour accomplir mon sacrifice, et je me crus sincèrement un héros. Mais bientôt, la jalousie me montant à la gorge, tous les beaux sentiments s'envolèrent. Mon ami redevint un rival, Aurélia une perfide, et leur bonheur un outrage insupportable. Des tableaux funestes se succédaient dans mon imagination. Je surprenais les deux amants appuyés l'un sur l'autre, causant à voix basse, et je m'apprêtais à les poignarder. Puis la beauté de la jeune fille me touchait, et c'était contre moi-même que je tournais le fer. Pendant toute la nuit, je marchais dans ma chambre, aux proies au délire et à la rage. La fatigue et le jour me calmèrent un peu. j'allais me jeter sur mon lit pour essayer de dormir, lorsque Pipino rentra. Il me tendit les mains en m'appelant généreuse amie, mais je l'interrompis brusquement. « Garde tes éloges, lui dis-je, ils sont mal placés. Décidément, je ne puis y renoncer à Aurélia. Il faut qu'un de nous deux extermine l'autre. Cherchons un moyen de nous battre avec des chances égales, car je ne prétends pas abuser de mes avantages. » Pipino avait pris quelques leçons d'escrime. Je lui donnais un fleuret en lui commandant de se mettre en garde. Mais il n'était pas de force à se défendre, et je lui portais trois bottes qu'il ne sut point parer. Dans le maniement des armes à feu, j'avais une supériorité plus grande encore. Un duel était impossible. Je m'avisais d'un autre expédient. Pipino était assez bon nageur. Je lui proposais de sortir du port avec moi dans une barquette et de la faire chavirer en pleine mer à 2 milles du rivage. « Insensé !» me répondit-il. « Et si tu m'entendais appeler au secours d'une voix défaillante, aurais-tu donc la cruauté de me laisser périr ? Non, tu ne l'aurais pas. Tu oublierais les femmes, les amours, la jalousie, et tu retournerais en arrière pour sauver cet ami qui t'aime et que tu as secouru et protégé pendant toute son enfance. Bah, ce n'est point un combat sanglant et impie qui doit mettre un terme à notre différend. C'est une lutte plus noble et plus glorieuse, d'où le vainqueur sortira peut-être malheureux, mais sans remords. S'il est vrai, comme tu le dis, que tu ne peux renoncer à Aurélia, prends-la donc, je te la cède. Hélas, m'écriai-je, elle ne m'aime pas. Eh, t'aimera-t-elle davantage quand tu m'auras égorgé? Si tu dois perdre ta maîtresse, garde au moins ton ami. Oui, je le garderai, dis-je en embrassant Pipino. Oui, je conserverai cette amitié d'enfance qui me paiera de mes sacrifices. Maudit soit l'amour et les femmes qui ont failli me la ravir. Je les défie, je les brave, je les excommunie. Marie-toi, mon cher garçon, épouse-la, cette délicieuse, aimable et changeante créature que le ciel a jetée ici-bas pour nous pousser à nous entretuer. Il n'aura réussi qu'à nous rendre tous deux sublimes. Aurélia t'appartient. Que je meure si jamais je te la dispute. Je la verrai avec un front de marbre, un cœur d'airain. Car il est maître de lui-même, ce cœur-là. Il est fort comme celui d'un lion. Il est grand comme celui de César. Saint Cornelio, mon patron, peut certifier là-haut qu'en parlant ainsi, j'étais de la meilleure foi du monde. Les louanges, les pleurs et les expressions de reconnaissance de mon ami me confirmèrent dans mon magnanime dessein. Je l'appuyais de tant de serments solennels et de tragiques imprécations que je ne pouvais plus revenir à mes premières pensées à moins d'être une pitoyable girouette. Ici, Don Cornelio s'interrompit, gratta le fond de sa tasse de café pour y chercher un reste de sucre, remit sa pipe dans sa poche et baissa les yeux d'un air embarrassé. « Eh bien, lui dis-je, comment avez-vous tenu ces serments solennels? Faites-moi votre confession entière. » « L'abnégation, reprit-il, est une fort belle vertu, mais difficile à pratiquer pour un homme de ma trempe. » Après le départ de Pipino, je reçus la visite du père d'Aurélia. Il venait me reprocher ma désertion de la veille. Malgré les amusements de la fête, on s'était aperçu de mon absence. Don Massimo m'avait remplacé sur le siège de la berline et on ne l'avait pas trouvé si bon cocher que moi. Les dames ayant pris goût aux parties de campagne, une excursion à Santa Flavia était organisée pour le lendemain. On comptait sur moi pour conduire la bastarda. C'était l'ordre et la prière d'Aurélia. Pénétré de mon nouveau rôle, je crus pouvoir accepter sans danger cette invitation. Pendant la nuit suivante, je dormis d'un sommeil de stoïcien et je m'éveillai le lendemain satisfait de moi-même, sans me douter que le plaisir de revoir Aurélia entrait pour quelque chose dans ma bonne humeur. Je me rendis à 8 heures chez Don Massimo, et j'y trouvai la compagnie au complet. La jeune fille m'accueillit en souriant, et me tendit une main que je pressai avec émotion. Pipino voulut monter à côté de moi sur le siège. La calèche partit en avant, et je fouettai les chevaux de la bastarda. À Santa Flavia, Don Massimo exhiba une permission de visiter la villa du marquis Artale. Le concierge nous ouvrit les jardins sans prendre la peine de nous surveiller. La journée se passa gaiement. Je me sentais une liberté d'esprit qui me donnait la plus haute opinion de mon courage. Nous devions dîner à Palerme en rentrant, mais pour attendre plus patiemment, nous avions apporté une collation. Don Massimo eut la fatale idée de m'offrir du vin de Marsala, qu'il avait récolté lui-même. Je vidai la bouteille aux trois quarts, et tout à coup je sentis ma raison s'envoler, comme si quelque sorcier me l'eût ravi pour l'enfermer dans une fiole. La romance populaire que je vous ai chantée à table compare la folie du jaloux à un cheval emporté. C'est un tigre altéré de sang, que l'auteur aurait dû dire. Mais si vous ajoutez à la jalousie cette ivresse du vin qui vous change un homme en brute, comme Nabucco, il n'y a plus de faute, d'extravagance, ni même de crime, dont un corsaire de mon espèce ne devienne capable sous cette double influence. Lorsque je vis Aurélia s'approcher de son amant et lui parler à l'oreille, j'éprouvai une sorte de transport au cerveau. Je courus à travers les plates-bandes du jardin comme un fou échappé de son cabanon. J'ouvris mon couteau et je le lançai dans les arbres à de grandes distances avec une sûreté de main qui n'abandonne jamais le Sicilien. Pour appuyer son discours d'une démonstration, Don Cornelio prit sur la table un couteau qu'il introduisit dans la manche de son habit. En frappant de la main gauche sur le poignet droit, il lança le couteau à l'autre bout de la chambre et la lame pénétra d'un pouce dans le bois de la porte. Je le regardai de travers en lui demandant s'il avait un meurtre sur la conscience, mais il ne répondit pas à ma question. « Je ne sais, poursuivit-il, quels autres signes de démence je donnais pendant ce terrible accès. J'avais perdu jusqu'au souvenir des lieux où j'étais, lorsque j'entendis des voix qui m'appelaient dans le lointain. Le jour baissait, et l'on m'attendait pour retourner à Palerme. Pipino et sa maîtresse montèrent ensemble dans la Bastarda. Ce qu'il me reste à vous raconter ne me fait pas beaucoup d'honneur. Mais le supplice de la honte me sera peut-être compté comme une pénitence. Tout à l'heure, quand nous irons nous embarquer sur le yacht, je vous montrerai près d'ici le village de Santa Flavia et la villa du marquis d'Artale, dont le casino est situé au sommet d'une colline escarpée. La route, praticable pour les carrosses et taillée dans le roc, serpente en zigzag sur le flanc de la colline. Le cocher de Don Massimo retenait avec soin les chevaux de la calèche et descendait au pas. À son grand scandale, il vit la Bastarda passer devant lui et le pacifique attelage courir au galop. En pensant au plaisir des deux amants, assis côte à côte dans cette machine roulante que je conduisais, je sentis augmenter mon vertige. Quelque furie volait dans les airs, le bras étendu sur ma tête. Elle me souffla l'infernale idée de faire verser la voiture et de soumettre ainsi mon procès au jugement de Dieu, ou plutôt du hasard. Arrivé à un passage périlleux que je connaissais bien, je rasai de si près le bord du chemin qu'une des roues manqua de point d'appui. La Bastarda roula sur un talus de 20 pieds. Je sentis le vent causé par la rapidité de la chute. J'entendis un coup de tonnerre résonner dans ma tête et puis plus rien. J'avais un trou à la tempe et une clavicule rompue. Lorsque je repris connaissance, j'écoutais le murmure d'un petit ruisseau. C'était le sang qui coulait de mon bras dans une cuvette. Je me retrouvais dans mon lit à Palerme. Le chirurgien qui me vit ouvrir les yeux assura que j'étais sauvé. Alors commencèrent les souffrances. Pendant 3 mois, il fallut demeurer couché sur le dos, immobile comme une statue sépulcrale et serré comme dans un étau par 25 cônes de bandelettes roulées autour de mon corps. Ixion sur sa roue ne dut rien éprouver de plus pénible. Il est un dieu pour les amants, il n'en est point pour les jaloux. Au moment de l'accident, Pipino et Aurélia s'étaient entrelacés dans leur chute et la catastrophe leur avait procuré les douceurs d'un tendre embrassement. Personne, excepté moi, n'avait été blessé. Il n'est rien qui guérisse mieux de la folie d'amour et de jalousie qu'un trou à la tête et une clavicule brisée. Avant que je fusse rétabli, mon ami obtint la main de sa belle, et pour ma première sortie, je me traînai jusqu'à l'église de Santa Zita, où je vis célébrer son mariage sans dépit ni chagrin. Peu de temps après, Pipino eut un procès à plaider à Messine. Il emmena sa femme avec lui et se fixa dans cette ville. Don Massimo a quitté Palerme et habite aujourd'hui dans la même maison que sa fille. Depuis ma triste aventure, mes passions ne se sont plus réveillées. Les années, la réflexion, l'expérience m'ont prémuni contre les égarements. Je n'ai plus songé, en véritable philosophe, qu'à bien vivre et à me divertir. J'ai reconnu le danger d'aimer trop une seule femme, c'est pourquoi je les aime toutes. Et voilà comment, seigneur français, ajouta Don Cornelio, j'ai voué une haine éternelle au vin de Marsala et au Bastarde. Pour le vin, je comprends, dis-je, mais comme assurément la Bastarda n'aurait point versé si vous ne l'eussiez un peu aidé, je ne m'explique pas votre préjugé superstitieux. Parce que vous n'avez point goûté des 3 mois de lit et des bandages de linge. Moi qui les apprécie à loisir, je ne puis voir une Bastarda sans un frisson. Je crois sentir le vent de la chute. J'entends le coup de tonnerre dans ma tête, et le formidable appareil du chirurgien vient m'enlacer de ses replis. Comprenez-vous à présent ? Parfaitement, seigneur Cornelio. Je comprends aussi pourquoi le prince P vous a fait prier de me ramener sain et sauf, sans plaie ni contusion. Quant à la prédiction de la Zingara, j'espère, en vous voyant si raisonnable, qu'elle ne vous atteindra pas, et que vous ne mourrez point de mort violente. Qui le sait ? Nul n'échappe à son destin. Mais un bon corsaire doit considérer comme une faveur du ciel de partir pour l'autre monde les pieds dans ses chaussures. Pour retourner au bord de la mer, Don Cornelio me conduisit par Santa Flavia et me montra le précipice dans lequel il avait versé. Nous nous embarquâmes ensuite sur le yacht qui fit son entrée dans le port à la nuit noire, tant le vent contraria sa marche. On nous apprit que l'essieu de la Bastarda s'était rompu sur la route. Les 4 donzelles, retardées par cet accident, avaient manqué leurs importantes affaires. Pendant le mois que je passai à Palerme, le seigneur Dragut se mit entièrement à ma disposition et je trouvai l'occasion de me livrer aux études de mœurs les plus belles et les plus sérieuses sous la direction d'un pilote si habile et si prudent. En 1847, Don Cornelio s'empressa de se rendre à Messine pour assister à l'insurrection et au bombardement de cette ville. Il y fut tué d'un éclat d'obus, le fusil sur l'épaule, à la tête d'un détachement qu'il commandait, et la prédiction de la Zingara se trouva ainsi accomplie. Ainsi s'achève la Bastarda, scène de la vie sicilienne, de Paul de Musset.